aujourd'hui ça va rouler hein, parce que j'ai préparé l'émission. Mais qu'est-ce qui t'arrive ça vous surprend l'efficacité peut-être à partir de maintenant ce sera comme ça. Mais on travaille bien déjà. On travaillera mieux. Voilà, c'est écrit dans le livre L'exigence avec soi-même. Quel livre? Le livre de l'invité, Philippe Etchebest. Ah d'accord. Quoi bah voilà. Non mais c'est panique en conf de rédac. Justement non, c'est pas la panique, allez chacun à son poste. Mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah page 37 du livre de Philippe, prise d'initiative. C'est important que vous sentiez ce que vous devez faire. OK, je vais lire la presse et choisir les sujets. Alexis, il faut être conscient de ses compétences quand même. Donc tu vas écrire des vannes et surfer sur Yahoo Insolite. Mais attends, parce que Charline, moi je trouve pas de sujet d'enquête. Page 90, on ne naît pas chef, on le devient. Ah. C'est pareil en journalisme, le sujet il vient avec le travail. Ah d'accord, ok. Hein. Okay, tu crois que l'inventeur de la tarte tatin il a pas bossé peut-être? Non, c'était un accident. Bah oui, madame Tatin l'a renversé la tarte. C'était un mauvais exemple. Bah oui. Bon, ça va au boulot. Non, mais attends, et toi? Non, attendez, parce que moi je vais prendre un petit déjeuner avec Patrick Cohen. Oh, ça va d'accord. Page 28, Etchebest, écoutez bien, soyez égoïste, faites-vous plaisir d'abord, vous ferez plaisir aux autres. Ah super, si tout le monde fait ça, tranquille. Attends, excuse-moi, c'est n'importe quoi ce Etchebest. Si t'es pas d'accord, t'iras lui dire en face. Non, ça je le ferai pas. Bon, de toute façon, pour faire le même travail que vous, moi je peux commencer plus tard. Oh, bah, d'accord, ok. Moi aussi je l'ai lu le livre. Ah bon? Oui, et jusqu'au bout, page 90 dans le bas, soyez humble. Je vais y aller. Non, tu vas pas y aller parce que page 178, ne vous coupez pas de votre équipe. Ok, voilà. Je vais rester. Oui, tu vas rester parce que page 265, faites le plus de boulot possible pour soulager vos troupes et idéalement gâtez-les. Ok, je vais chercher des viennoiseries. Oui, voilà. Chercher des viennoiseries. Voilà. Hé hey Alex, c'est vrai le dernier conseil? Non, il n'y a que 230 pages, mais comme elle ne l'a pas lu jusqu'au bout, je tente le bluff. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui arrache les vêtements à l'actualité. Et voici les trois informations qui vont se retrouver à poil à 18h. Le monde entier découvre le dialogue social à la française grâce au savoir-faire d'Air France dans le domaine. Le négociateur entre en zone dangereuse. Vous devez l'empêcher d'y aller, nos hommes n'oseront pas intervenir s'il est à l'intérieur. Les paysans du Larzac ne sont pas prêts au dialogue non plus avec la Légion étrangère qui entend installer 1200 militaires au milieu des chèvres. Faites l'amour, pas la guerre. C'est votre slogan, n'est-ce pas? Oui. Et si je foutais mon poing sur votre gueule? L'image du vin dans le cinéma français renvoie systématiquement à la France des terroirs et du passé, bref, à tous les clichés. Il est goulayant, il a de la cuisse, il attaque sèchement le palais, il manque pas de retour. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés un humoriste qui ne manque pas d'aller-retour en Thalys, où il écrit ses chroniques, c'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Van Hoenacker, et aujourd'hui autour de la table, une belle équipe vu qu'on a un grand chef. À 17h20, c'est le poète perdu dans le milieu sportif. Comme si Baudelaire était l'avant-centre de l'équipe de France et que les autres ne comprendraient pas pourquoi tout le monde le surnomme l'Albatros. C'est notre Albatros à nous, c'est Samir Bouadi. Bonsoir, bonjour à tous, pardon, je vais vous parler de coaching mental, d'hypnose ericksonienne, de programmation neurolinguistique, de sophrologie, d'Émile Coué et de dodo la saumure. Voilà, pour les sportifs, c'est déjà foutu. Et à 17h30, son surnom à lui, c'est La Fouine. Déjà en hommage à son chanteur préféré, mais surtout parce qu'il met son museau et sa bonnette de micro où on n'a pas trop envie de le voir. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Vrai. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi je me suis rendu à l'événement Paris Manga, deux jours consacrés à l'univers du manga au sens large du terme. Les cosplayers ont tendance à ne pas reconnaître tellement les airsofters comme des cosplayers à part entière. Et oui, ça c'est un vrai problème qui passionne les Français et que nous essaierons de régler ensemble. Et enfin, à 17h40, son surnom à elle, c'est la frisée au lardon. Eu égard de sa coupe de cheveux et au fait qu'elle donne un petit goût salé lorsqu'on l'ajoute à un plat. C'est pour ça qu'on l'a ajouté à l'émission. C'est Juliette Arnaud, bonjour. J'ai bossé, j'ai bossé les lancements. Bon, c'est comment super. Alors, tout le monde connaît Alice au Pays des Merveilles. Donc je ne vais pas vous parler, je vais vous parler d'Alice sous la Terre. Ce sera la chronique littéraire. Si tu écoutes, j'annule tout est présent dans un monde virtuel, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission. Vous êtes né sous De Gaulle, vous êtes le meilleur ouvrier de France en 2000, l'année de la loi qui instaure le quinquennat. Vous décrochez une deuxième étoile au Michelin en 2008, quand Jérôme Kerviel doit se rabattre sur le flunch, quand explose l'affaire Société Générale. Vous apparaissez dans Cauchemar en cuisine sur M6, j'ai pas noté la date. Vous 2011. Vous rappelez? Ah voilà, à partir de 2011. Oui, parce que c'est quand Monaco vit un conte de fées avec le mariage d'Albert et de Charlène. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes Philippe Etchebest. Oui, bienvenue. C'est lui. C'est moi. Sur France Inter, Charline Van Hoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Philippe Etchebest, vous publiez « Je ne lâche rien » chez Michel Lafon, où il y a une métaphore sportive tout au long du livre. Vous êtes grand chef, évidemment. Vous parlez énormément de votre parcours en cuisine, etc. Comment vous êtes arrivé à décrocher les étoiles, à ouvrir votre restaurant. Le Philippe Etchebest cathodique aussi, oui. qu'on voit pas mal à la télévision. Cauchemar en cuisine ou Top Chef, vous oui. avez intégré le jury. Donc, la cuisine et la métaphore sportive, vous êtes rugbyman, boxeur. Vous dites à un moment dans le livre, chaque service ressemble à une compétition, à un match qu'il faut gagner en équipe. Mais vous vous mesurez à qui ? Ben, je me mesure à personne, mais c'est vrai que j'ai toujours fait le parallèle entre ma vie sportive et ma vie professionnelle parce qu'elle est étroitement liée. Bien sûr, un service, c'est un match, hein, ça se fait en équipe de la même manière. On doit assurer un service et puis c'est sans filet, on n'a pas le droit à l'erreur. Et la moindre faute, elle peut être fatale. Donc, il y a vraiment un esprit de groupe qui est important justement pour assurer la qualité d'une prestation et d'un service notamment. J'ai une question. Si on vous proposait d'entraîner l'Olympique de Marseille, qu'on a besoin en ce moment, est-ce que vous iriez ? Je suis pas très foot en vrai. Non, vous aimez diriger les hommes. Enfin, c'était pas entièrement... Oui, après, je crois que de toute façon, vous savez, quel que soit le secteur d'activité, on le voit dans Cauchemar en cuisine, ça parle à tout le monde. C'est de l'humain, c'est du relationnel, c'est des hommes et des femmes, qu'ils soient dans le monde sportif ou dans l'entrepreneuriat, c'est peu importe. En tout cas, il y a beaucoup de psychologie à avoir, je crois, dans tous les secteurs d'activité. Mais c'est un échange, c'est un rapport, c'est une façon de parler, de dire les choses aussi, parfois peut-être un peu durement. Mais non, moins, jamais vous. Ça jamais. Le mérite. Oui, mais ça le mérite d'être vrai. Et va pas le fâcher parce que je suis à côté, moi. À un moment, vous savez, les propos détournés, ça fait jamais avancer. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est ce que je dis à Guillaume en permanence. Bah, ouais, mais Samir vous aime pas du tout. Il est tout à l'heure en coulisses. Mais bon, après, je vous laisse régler vos histoires. Moi, j'aime cette beaucoup ce que vous faites. Est terminée. Je vous adore. Je regarde ouais. toujours alors... Masterchef, enfin, il n'y a aucun souci. Maintenant. Oui, enfin voilà. Vous le dites dans le bouquin que le physique, c'est pas nécessaire, mais ça aide. Oui, bon, alors attention, c'est vrai que j'en parle parce que j'ai été seconde cuisine, j'avais à peine 22 ans, je crois, et j'avais affaire à des mecs qui avaient 10 ans de boutique et qui espéraient la place. C'est pas que j'en ai usé de mon physique, mais ça calme un petit peu peut-être. Oui, peut-être oui. envie de moins m'emmerder. Non, mais alors justement, on fait comment ? Alors mettons, on est seconde cuisine, mettons, et on fait 1m60 et on pèse 40 kilos tout mouillé dessus. Et on a du talent. Et on a du talent. Eh bien, justement, on se fait respecter par son travail, mais quel que soit le physique, c'est toujours par là que ça passe. Par le travail, par l'engagement et par l'exemple. Je le dis souvent, mais la motivation, elle est contagieuse par l'exemple, justement. Et je crois que, comme dans une équipe de rugby, hein, le capitaine, s'il ne met pas la tête à un moment donné, ben, les mecs, ils vont pas derrière. Et dans le travail, c'est exactement pareil. Alors vous dites aussi, en parlant des valeurs du rugby, vous parlez aussi des valeurs de la boxe. Et la boxe, elle vous a aidé à affronter sa peur et le risque de l'échec. Donc il y a vraiment une métaphore aussi du combat dans le livre. Oui. C'est un combat permanent, la cuisine, ça a l'air Alors ça qu'on l'air parle violent. De bœuf bourguignon quand même, il hein, faut le rappeler. Hein. C'est pas tant le combat, mais c'est le mental justement, le de vouloir se surpasser, d'aller au-delà de ses moyens parfois justement, et de se transcender, et de prouver qu'on est capable de faire des choses alors qu'on ne les avait pas imaginées justement. C'est sans cela que je veux dire les choses. Justement. Mais moi, quand je fais une sauce grébiche, maintenant, je pense à vous. Je me dis, allez, je me motive. Je vais y arriver. Ça marche. Ouais, mais justement, là, après la satisfaction de l'avoir fait, même quand c'est dur, quand c'est douloureux, il y a d'autant plus de plaisir, justement, d'avoir réussi. Mais nous, quand on la mange après, on est très très mal quand même. Philippe Etchebest est avec nous et il ne lâche rien. C'est le titre de son livre paru chez Michel Lafon. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'on a choisi un troisième sujet sur le vin. Tiens, voilà. Allez, vous savez qu'il y a du public. Broadway. Ouais, il y a du public. Dans ce studio et dans ce disque. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. But when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and won't even shine. Là, ce titre, Broadway on Broadway, ouais. D'ailleurs même, George Benson. Vous êtes sur France Inter, cette classe aussi. Oh, ouais. Oh, avec Alex Vizorek, oh là là, il classe. Est là, il est là, et aujourd'hui nous avons Philippe Etchebest qui est venu mettre un peu d'ordre dans l'équipe, donc on a pris l'équipe la plus tocarde, c'est-à-dire Samir Boily, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Ah bah on a... si vous arrivez oh, à ça. Oh, chi, faites un effort, flûte. Et puisqu'il est 17h20, ça signifie qu'il est presque 17h17, et les auditeurs ont le droit de savoir. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Suite à une idée des syndicats, Air France proposera, en plus de ses services habituels, un service de Chippendales qui sera assuré par DRH. Jean-Marc Morandini aurait été contacté pour prendre l'Access Prime Time de Canal+. Vous faites pas de vanne, là, non? Jean-Marc Morandini sur Canal, c'est une vanne, non? Et puis il y aura des brefs, parce que quand c'est court, ben, c'est parfois bon quand même. Oh, bah je bosse avec Vizorek, moi aussi. Oh, commence. Et voilà. On essaye d'informer la France. Toute une réputation foutue en l'air. On commence par cette triste nouvelle. Miss France d'abord. Voilà. Donc, à peine élue, Miss Bretagne 2015 a perdu son boulot parce qu'elle avait déjà posé nue. Voilà, Air France, 2900 personnes vont perdre leur boulot et c'est leur patron qui s'est retrouvé nu. Notez qu'aujourd'hui même, nous avons reçu un mail de promotion. Et c'est véridique, cet après-midi, Air France a envoyé des mails proposant des voyages cet hiver à prix givré. Voilà, si le DRH veut en profiter, je lui conseille de se rhabiller. Voilà, passons à la politique. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, serait au cœur d'une enquête préliminaire sur un possible emploi fictif. Oui, mais là je veux défendre cet homme, parce que comme il a beaucoup regardé les bancs de l'Assemblée nationale, il a une perception différente de ce qu'est un emploi fictif. Passons à droite. Oui, Nadine Morano a déclaré « Mon ami noir est exaspéré par ce qu'on dit de moi ». Voilà, cette phrase nous prouve que donc elle n'a qu'une amie noire, et on se dit que depuis le temps qu'elle a une amie noire, elle aurait quand même pu lui demander son nom. C'est pas faux. Sans transition, sport, Teddy Riner a été entendu par la police sur son salaire au club de Levallois. Eh oui, tout augmente. David Douillet, écoute, tu pouvais le payer en pièces jaunes. Riner, 7 en billets de 100. Voilà. Brigitte Bardot est sortie de son silence suite aux inondations dans le sud. Ah, quand même, suite à tous ces décès. Elle est non. Elle a pris la parole pour défendre les animaux du Marineland. Elle appelle à la fermeture du parc. Ah non, c'est fou, hein, parce que quand elle doit voter, elle vote chaque fois pour le pays de Marine, quoi, le Marineland. C'est pas faux. Récompense. Le prix Nobel de médecine a été décerné hier à une chercheuse chinoise pour ses travaux sur le paludisme. Oui, et il s'agit de Yu Yu Tu. Et on voulait lui rendre hommage. Non. Hommage. Non, il l'a fait. Il l'a fait. Ouais, c'est dit. Ça vaut la peine d'avoir le prix Nobel. Je rappelle que le dernier prix Nobel, c'était Monsieur Tirole en économie et que nous avions déjà beaucoup ri à l'époque en passant du yodel. Et on rappelle que vous êtes payé pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un salaire à la fin du mois. Et j'ai réfléchi une bonne partie de l'après-midi. Parce que, en son temps, Philippe Risoli, c'était justifié, mais on est en 2015. Alors on passe à l'éducation. Oui. Rocco Siffredi ouvre son université. l'université du Hard. C'est une université où si tu couches avec le prof, ça aide à passer l'examen. Oui, bah, comme toutes les universités. C'est vrai. Alors bon, il se dit que l'écrit serait plus difficile que l'oral dans cette université et que si t'as pas la moyenne, tu déprimes. Et la moyenne, c'est 22 cm. Voilà, et on termine par la télévision. Oui, d'après des rumeurs reprises par de nombreux journaux, Vincent Bolloré aurait pensé à Jean-Marc Morandini pour reprendre la case du Grand Journal. Ah bah dites donc, tout est possible. Hein, oui, c'est d'ailleurs le titre de l'émission qui a lancé Morandini. Ah, et ce sera sans doute une de ses inspirations pour le nouveau 19h de Canal. Exactement, et on a d'ailleurs un extrait du pilote. Attention, écoutez, ce sera le Grand Jean-Marc. Ne zappez pas. Deux parents noirs viennent de mettre au monde un enfant blond et blanc. Les médecins eux-mêmes ne comprennent pas. Il y a deux sexes, celui d'une femme et celui d'un homme. Rencontre incroyable avec un hermaphrodite, Jean-Marie Pierre. Pour m'accompagner pendant 1h10, 1h15 ce soir, un invité qui vient pour la première fois sur ce plateau, je l'en remercie. Voici Jean Rocasse. Ah bah vivement le 19h. C'est la fin de ces informations. Il est 17h24 sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Etchebest qui publie Je ne lâche rien, édition Michel Lafon, et qu'on peut voir aussi ce soir sur M6 à 20h55. Vrai, Cauchemar en cuisine. Ouais. Vous êtes partout. Il y a aussi la nouvelle saison de Objectif Top Chef. C'est à partir du 26 octobre. C'est ça. Et vous tournez la saison 7 de Top Chef. C'est aussi. Ça. C'est du boulot. Hein. Dites donc, avec le restaurant, le bouquin, tout ça, c'est que. Mais écoutez, vous avez une bonne constitution. Ça va, je suis en forme. Et vous allez le prouver jusqu'à 18h avec le premier sujet. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de la sécurité sociale. À cette occasion, François Hollande devait vanter les vertus du dialogue social à la française dans un discours. Lui qui consiste aujourd'hui à virer des milliers de gens d'un côté et d'arracher sauvagement les fringues du DRH de l'autre. Le dit DRH qui a tenté de se changer les idées hier dès sa sortie agitée de réunion. Une émission vintage aujourd'hui. C'est pas tellement mieux. On est gâtés, hein. On a tout, Véronique et Davina, Ricard Azaray, Jean Roucas, c'est formidable. Ricard Azaray, on la salue. Hein. Alors, on salue la SACEM. Je me disais, Philippe Etchebest, est-ce que vous conseilleriez au prochain DRH d'Air France de se mettre au rugby pour pouvoir se sortir indemne de la mêlée? Comme ça, c'est pas lui qui serait plaqué au sol, mais lui qui le ferait, je ne sais pas. Ou alors pour les valeurs, peut-être, du rugby. Là, d'après ce que j'ai vu, il faut courir vite et il faut être dans l'évitement parce qu'il y avait du monde en face. Ouais. Néanmoins, c'est vrai que c'était quand même assez violent, quoi, hein, ce qui s'est passé. Alors, le dialogue social, c'est vrai que c'est bien, il en faut un petit peu, mais après, il faut de l'action aussi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a eu de l'action, mais c'est pas dans le bon sens qu'il y en a eu, à mon avis, de l'action. Néanmoins, c'est un petit peu dommage. Et puis, c'est vrai que pour l'image d'Air France et de la France en règle générale, c'est pas France, très bon. C'est sûr, oui. Vous dites de l'évitement, mais on s'imagine si toute votre cuisine se rue contre vous. Est-ce que vous vous enfuyez ou est-ce que vous dites. Les gars, c'est pas une méthode. Non, mais j'y ai même pas pensé. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vous savez, après, je crois que les gens, ils vous accompagnent dans un projet plutôt qu'être en opposition. Et ça aussi, c'est au chef, au leader de les amener. Dans les structures, ça. Oui, dans les petites ou les grosses, peu importe. Peu importe. Je pense pas qu'il y ait des différences, en fait. L'engagement, il doit rester le même, que la structure soit petite ou grosse. Donc, c'est la faute du DRH, quoi, en gros, quoi. La faute du DRH, je sais pas. Non, alors il y a l'image. Alors il y a l'image de ce DRH, voilà, qui l'image est violente, mais il y a une autre violence massive aussi qui est plus insidieuse et qui est moins visible à l'image. C'est les licenciements, évidemment. Donc la violence est des deux côtés. Alors vous aussi, Philippe Etchebest, vous embauchez. Parfois, vous devez vous séparer de gens. J'imagine que ça c'est peut-être déjà arrivé que vous deviez dire bon, vous convenez pas à ce poste, etc. Comment vous managez vous? Mais ça fait conseil à virer quelqu'un dans. Non, mais ça fait partie des périodes d'essai. Après, de toute façon, je vous dis un truc. Moi, à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ne se sentent pas à la hauteur. Donc, ça se fait tout naturellement. En cuisine, si le gars, il pense que le niveau est trop haut, il dit c'est pas pour moi. Je suis pas à ma place ici. Mais ça se fait très naturellement et vraiment sans violence aucune. Oui, mais du tout. On s'en rend compte du quand tout, c'est. Bien sûr. Vous savez, après, c'est un groupe. Et dans la mesure où un collaborateur qui arrive et qui n'arrive pas à se fondre dans le groupe, ben forcément, il ne se sent pas à l'aise et il sent qu'il n'a pas sa place, donc il ne reste pas. Est-ce que ça pourrait marcher? Bon, écoutez, je ne le sens pas. Hein, en tout cas, en attendant, moi, ce que je propose, c'est que tout le monde fasse comme Bruce Willis et porte des Marcel sous les chemises. Oui. parce que c'était pas non mais c'est ça leur aurait aidé en termes d'image, en termes d'image, ça aurait pour, ça faisait plus piège de cristal et ça faisait héros moins, du coup il sortait en héros, héros. Et, ouais, c'est vrai. Et pour proche du peuple le Marcel proche du peuple et tu peux le vendre correctement à tes enfants, regarde papa on dirait Bruce Willis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Juliette Arnault en conseil com, je pense que je pense qu'il y a du potentiel. Marcel et Marcel. Ceci étant dit, on a mal au cœur pour le monsieur quand même. Oui, bah oui, oui, mais pas longtemps, pas plus de 20 secondes par exemple. Voilà, il s'en est sorti surtout. C'est la bonne nouvelle. On n'avait plus vu ça depuis les séquestrations, voilà, depuis les séquestrations des patrons, par exemple, de Goodyear en 2014. Donc, c'est pas si loin. Hein. Ouais, vive le dialogue social à la française. Samir Bouadi, oui. Oh, apaisez-nous. Oh, je vais essayer. Bah, écoutez, c'est simple. On a la chance d'avoir pour invité quelqu'un qui s'est appuyé sur la pratique sportive intensive pour se forger un corps, mais aussi un mental. Alors, du coup, vous tentez, hein, cher Philippe, de transmettre cet état d'esprit de total engagement afin d'aider vos contemporains à surmonter leurs difficultés. Bah, en cela, vous êtes ce qu'on appelle un coach de vie, quelqu'un qui peut donner à imaginer autre chose que l'échec. Alors avant vous, d'autres ont bien sûr ouvert la voie de cette assistance mentale. Aujourd'hui, on parle de PNL, de programmation neurolinguistique, de sophrologie. Alors derrière ces termes pompeux se cache en fait une réalité simple, éprouvée, prouvée, je vous la donne comme ça. Je me rends disponible à ma réussite en me projetant dans l'état d'esprit qui sera le mien à l'instant de la victoire. Je refais mentalement les gestes, le parcours qui devra être le mien si je veux gagner. C'est comme le jeu du labyrinthe qu'on faisait quand on était petit, vous savez, sur les petites BD comme ça, il y avait trois entrées, une seule sortie. Pour gagner, il fallait prendre la sortie, c'était beaucoup plus simple. Il fallait partir de la sortie pour arriver à l'entrée. Voilà. On a pas joué. Mais c'est pas triché ça, par exemple. Peu, un petit peu quand même. A priori, on n'a pas joué au même jeu parce que personne d'ailleurs de. Enfin bref. Si. Vous vous souvenez. Non, j'ai perdu 2 ans de ma vie, je viens de me rendre compte. Bon, bref, on l'aura compris, tous les terrains de sport sont concernés par ce coaching et tous les grands champions ou championnes, à quelques rares exceptions, chez Platini ou d'autres, ont recours à une préparation mentale. Alors, à l'origine de cette révolution, il y a un pharmacien de l'Est de la France, le bon docteur Coué, qui, au XXe siècle, devint une star internationale en théorisant la guérison du corps par l'action de l'esprit, mes amis. La célèbre méthode Coué, il la résumait ainsi, quand il y a conflit entre l'imaginaire et la volonté, c'est toujours l'imaginaire qui l'emporte. Sous-entendu, rien ne sert de vouloir, il faut savoir s'y voir, y être. Parce que vouloir ne sert à rien si on n'y croit pas. Eh ouais, c'est ça. Bah, Coué avait raison, et d'après lui, c'est comme ça qu'on peut perdre aussi quand on n'y croit pas. Et par la suite, un autre américain, Milton Erickson, psychiatre, une grande légende, redonnera ses lettres de noblesse à un truc totalement oublié depuis très très longtemps, l'hypnose, que Freud avant lui avait exclu du sang de son exploration. Milton Erickson qui avait compris que pour s'adresser directement à un sujet névrosé qui répète les mêmes erreurs, pour lui intimer l'ordre de sortir du cercle vicieux de l'échec, il fallait s'adresser non pas à sa raison, mais à cet endroit de l'âme où se cache la force du changement, je veux parler de l'imaginaire. Et oui, de là naîtront les PNL, sophrologie et autres techniques directement inspirées d'Erickson et donc de Coué. Sinon, il y a lire la lettre de Guy Moquet aussi. Absolument, ça peut aider aussi. C'est chiant, c'est très long. Quand il y a conflit entre l'imaginaire et la volonté, c'est toujours l'imaginaire qui l'emporte. C'est beau, hein. C'est vrai que c'est beau, hein. Ça donne envie d'y croire. Eh ben, figurez-vous par exemple, chère Charline, que lorsque vous pensez à un de vos muscles, il travaille. Alors de manière minimale, certes, c'est vraiment infime, mais il travaille. C'est vrai, c'est prouvé, c'est scientifique. Rocco aussi, Freddy. Et donc un menteur... C'est pas un muscle. Oui, c'est pas un muscle. Aussi, enfin, c'est un os. Mais c'est un os. Lui, il ment quand il dit qu'il pense pas qu'à ça. Enfin bref, ça c'est une autre chronique, on en reparlera. Pensez aux politiques, chers amis. Pensez donc aux politiques. Ces grands sportifs de la volonté sont avant tout des athlètes de l'imaginaire. Tout chez eux, mais absolument tout. Le corps, l'esprit, les mains, les doigts. Et tout ça est tendu vers un but. Le cul des journalistes. Et pas uniquement quand je me rase. L'obsession fait l'accession. Ah, mes amis, si seulement nous avions accès à cette zone du cerveau ouverte au vent des possibles, c'est le rôle du coach, c'est votre rôle, cher Philippe. Et pas seulement sportif, hein. Sa voix devient la vôtre et murmure à la bonne oreille que la victoire est possible. Remarquez, quant à un physique que vous avez, Philippe, la seule menace d'une grande claque dans la gueule devrait amener vos interlocuteurs à se dépasser. Mais enfin, vous êtes plutôt un tenant de la matière douce, d'après ce que j'ai compris. Tiens, en parlant de douceur et de choses plus agréables, juste une question. Puisque vous êtes à la fois une star de la télé, un chef respecté et un coach efficace, pour qu'il puisse motiver ses troupes, quel conseil donneriez-vous à Dodo la Saumure s'il devait animer une émission qui aurait pour titre « Cauchemar au bordel », par exemple? C'est une vraie question de Samir Bouadi. Conseils, je donne des conseils dans le domaine de mes compétences, mais là... Ne soyez pas timide, vous sous-estimez pas. Là, vous atteignez votre syndrome de Peter, voilà. C'est-à-dire... d'incompétence. Ouais, seuil d'incompétence. Le seuil d'incompétence. C'est plutôt qu'il n'a pas envie d'en parler, oui. Voilà, oui, oui, écoutez, nous sommes en compagnie de Philippe Etchebest jusqu'à 18h. Il a tout annulé pour nous. Il a annulé le tournage de la saison 7 de Top Chef, la nouvelle saison de Objectif Top Chef, Cauchemar en cuisine, c'est demain sur M6. Et il ne lâche rien aux éditions Michel Lafaux. Il sait tout faire, cet homme. Il est avec nous sur France Inter. Encore loin de la lune, le travail chasse le spleen. Malaise chromatique d'une fusion translucide. Nuit blanche, caféine, éveillée jusqu'à l'aurore. À 17h36, minuit, c'est le groupe qui chante Caféine. Vous carburez un petit peu à la caféine, vous, de temps en temps, Philippe Etchebest? Non, jamais. Non. Jamais, c'est à l'eau claire, vous? Ouais, moi, je bois du café de temps en temps quand même, mais j'ai pas besoin de ça, quoi. Vous êtes sur France Inter en compagnie d'Alex Vizorek, Samir Bouadi, qui s'esclave, Juliette Arnault, et le moment Meurice. Ah oui, ah, oui. Oh, dites donc, il met son micro partout, on ne sait pas quoi faire, et aujourd'hui c'est tout. Alors aujourd'hui, on va d'abord parler de stratégie politique, puisqu'on connaît la raison de la défaite de Ségolène Royal en 2007 face à Nicolas Sarkozy. C'est le docteur en sciences politiques Bernard Minet qui nous l'a appris. Ségolène Royal avait vivement critiqué les dessins animés japonais, provoquant la colère des très nombreux fans du Club Dorothée. Et donc sa défaite, vous confirmez, hein, c'est pas des blagues. Bernard l'a écrit dans son livre. Il l'a écrit, voilà. Donc Nicolas Sarkozy doit bel et bien sa victoire en 2007 à un borgne, mais pas à Jean-Marie Le Pen, dont il a piqué le programme, mais à Albator, directement. Sarkozy aurait donc dû venir avec moi à l'événement Paris Manga, deux jours consacrés à l'univers de la bande dessinée japonaise, avec plein de gens déguisés en personnages de manga. Enfin, presque, parce que qu'est-ce que foutait là ce mec déguisé en Davy Crockett? On peut dire que ça ressemble à Davy Crockett. En fait, c'est plutôt un costume de trappeur de l'Ouest, trappeur de Louisiane. Alors attendez, quel rapport avec le manga? Le manga, ça n'a rien à voir, mais c'est le seul endroit où il y a plein de gens qui viennent costumer. Oh. J'ai rien à voir avec le manga. Moi, j'y connais rien du tout. Hein. Vous me posez sur le manga, je n'y connais rien. Ah oui, bah, c'est bien ce qu'on se disait, dis donc. Il voulait juste se déguiser. Voilà, il y avait donc avec Tranquillou en costume de trappeur au milieu de 400 000 Sangoku de Dragon Ball Z, peinard. Mais comprenez-le, il a bien essayé d'aller dans des événements consacrés à la conquête de l'Ouest, mais... Une fois, on m'avait dit de venir des fois dans des spectacles de western parce que j'avais un look et tout. Et puis, j'avais eu des petits problèmes parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu, disons, sectaire et tout, alors ça m'avait pas trop plu. Mais oui, mais bon, si t'étais venu déguisé en Candy à un spectacle de Buffalo Bill, c'est sûr que les mecs, ils ont dû être un poil sectaire. Mais c'est vrai que sur place, tout le monde le laissait tranquille. Il faut dire qu'il jonglait, pas avec n'importe quoi, non, avec des armes à feu. Comme je fais beaucoup de tirs et tout, je m'entraîne et tout aux armes, donc on peut aussi envisager cette question d'un point de vue ludique. Oui, alors moi j'ai décidé d'aller envisager cette question d'un point de vue ludique, mais plutôt assez loin de lui. Ceci dit, des armes, il y en a pas mal dans l'univers des manga, par exemple un jeune qui jouait à la guerre. Moi je vais vous dire une chose très simple par rapport à la simulation de guerre. Si les gens se mettent à jouer à la guerre, à ce moment-là la guerre n'est plus un objet de négociation. C'est-à-dire ? Ça veut dire que la guerre ne sert plus à revendiquer quelque chose. Autrement dit, quand les gens n'arrivent pas à s'entendre, ils font la guerre. Si on joue à la guerre, on décrédibilise un petit peu l'image du guerrier un peu. Ou alors on s'entraîne. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est tout à chacun de faire la part des choses. Oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi ne pas faire la part des choses en jouant à la crapette, par exemple? On a rarement vu une attaque à main armée avec un 8 de pique et un 5 de trèfle. Ou à la limite, si on veut vraiment canaliser son agressivité, battez-vous à coups de cartes Pokémon. Et ça, ça tombe bien, il y avait plein de jeunes déguisés en Pikachu. Pourquoi? Ah, ça me permet de nous libérer, c'est cool, c'est... Voilà, alors c'est la même personne qui d'un coup a décidé de me faire un cri de Pikachu dans le micro, prouvant que le LSD n'est pas une drogue de vieux finalement. Et puisqu'on parle de vieux, parlons de l'aspect le plus touchant de cet événement. Ce sont les pères de famille qui accompagnent leurs enfants et qui, pour leur faire plaisir, se sont déguisés aussi. Alors par exemple, il y a ce papa déguisé en mignon. Vous savez, le mignon, le petit personnage qui ressemble à un suppositoire jaune à lunettes. Alors premier loupage, bon, il ne s'agit pas d'un manga déjà. Mais bon, après le castor junior du début, on n'est plus étonné de rien. Mais surtout, il avait fait son costume tout seul. Et le pauvre, il avait tellement chaud, il transpirait tellement sous son bonnet en laine que toute la peinture jaune qu'il avait mis sur son visage dégoulinait. On aurait dit Manuel Valls après un meeting, mais avec une jaunisse, voyez le truc. Mais alors, qu'est-ce qu'il foutait dans cette galère? C'est à cause de mon fils. Et on m'a dit que faut y aller déguisé. Et là, je suis déguisé. Il a fallu que j'invente le masque, le bonnet. Non, ça, c'est ma femme. Et qu'est-ce que vous faites comme métier sinon alors? Devinez ce que j'ai sur la tête, vous allez comprendre tout de suite. Hein. Vous êtes soudeur? Je suis plombier. C'est vrai que pour les lunettes, il avait bricolé deux tuyaux pris dans son atelier. Il avait abandonné toute idée de dignité humaine pour faire plaisir à son fils. Et ça, pour le coup, c'est vraiment mignon. Alors attention, il y a quand même des pièges. Il y a des gens qu'on croit déguisés. Mais vous êtes déguisé aussi, là? Non, j'aime les tenues moyenâgeuses. Donc ça, c'est une cape que... Ah, vous la portez dans la vie aussi? Voilà. Mais ça veut dire que dans la vie de tous les jours, vous allez à la banque, par exemple, habillé comme ça? Ça peut arriver, oui, ça peut arriver, tout à fait. Et les gens ne déclenchent pas le signal d'alarme? Non, généralement, ils me prennent pour... une imitation de Dark Vador ou quelque chose comme ça. Oui, donc forcément, ils sont beaucoup plus rassurés, les gens de la banque. Hein. Bonjour, monsieur Vador, comment ça va? C'est pour un retrait. Et ce problème d'asthme, c'est réglé. Bon, à sa décharge, pour braquer du pognon, c'est vrai qu'un costume de Dark Vador, ça fait moins peur qu'un costume de Nicolas Sarkozy. Guillaume Meurice, merci. Philippe Etchebest, vous vous dites, parce que c'est des gens passionnés qu'on a entendus, vous dites, j'ai pas de passion, mais j'aime tout ce que je fais. Oui, c'est vrai. Je suis passionné de rien, mais j'aime tout. Et tout ce que je fais, j'essaie de bien le faire. En tout cas, y mettre du cœur et surtout prendre du plaisir. C'est le plus important pour moi. Donc même la cuisine, vous ne mettez pas l'étiquette de passion non, dessus? Non, c'est votre pas... métier. C'est mon métier, j'aime le faire. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup d'autres activités. Et quand j'ai terminé justement de faire la cuisine, je passe à autre chose. Voilà, c'est tout simplement. Et nous, on cuisine l'actualité jusqu'à 18h. Elle passe à la casserole et on va faire le sujet 2 avec vous. Le Larzac est à nouveau en ébullition. Alors attention, le Larzac en ébullition, c'est quand il y a plus de 3 personnes au même endroit. Attention. Les paysans ne veulent pas de la légion étrangère chez eux. Pourtant, il existe un point commun entre les militaires et la production agricole. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. ce sont des tireurs. Quoi ? Coupez-moi ça tout de suite. Coupez-moi ça tout de suite. Comme quoi, il y a des militaires qui disent des choses intéressantes. Oui, et voilà, ça, ça fait plaisir. Ça, Guillaume Meurice, de l'entendre de votre bouche, ça fait encore plus plaisir, je veux dire. Alors, c'est une double page dans Libération aujourd'hui. Déjà de 1971 à 1981, les paysans du Larzac ont lutté contre le projet d'extension du camp militaire. Et puis Mitterrand y avait renoncé. Eh bien, le débat est rouvert. Il est question que 1200 militaires viennent s'installer sur le plateau du Larzac. Alors, c'est mythique le plateau du Larzac pour toutes sortes de luttes. Alors, anti-militaires, contre la malbouffe, contre le gage de schiste, etc. Vous en avez quelle image, Philippe Etchebest ? Parce que c'est, finalement, il y a quand même un tel contraste entre le plateau du Larzac, ces paysans paisibles et parfois en ébullition contre oui. plein de combats, avec ce côté un peu romantique, et la Légion étrangère, c'est quand même des gars qui défilent encore avec des haches sur l'épaule. Hein, oui, ce que j'ai enfin, c'est sûr. Ça. Après, c'est une image aussi. Maintenant, je sais pas, c'est vrai que le Larzac a une image très agricole, très, très paisible. Maintenant, je sais pas, mais est-ce que économiquement, ça peut pas être intéressant ? Moi, j'ai vu un moment donné où il y avait un régiment qui était parti d'un village et tout le monde pleurait globalement, hein, parce que les restaurants, les bars, toutes les activités commerciales qu'il y avait à côté, ben, bordel, sont hein, morts. Les bordels aussi, ça, bien sûr, ça fait vivre. Non mais voilà, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de concilier un petit peu tout ça ? Je pense que... Alors il y a une part d'antimilitarisme, voilà, pour le principe aussi. Alors ça, je les déteste, les antimilitaristes. Ils sont de moins en moins, cela dit. Et, là, vous avez raison, toutes les fermes du Larzac sont habitées, témoigne donc un habitant du Larzac. C'est le seul endroit de France où il y a plus de paysans qu'avant. Et je me suis dit, une organisation militaire, c'est un petit peu aussi le cas de la brigade. Chez vous, il faut avoir une... C'est au cordeau. Et puis, tout ça, dans le Larzac, pays de paysans, de producteurs qui sont proches du terroir, qui font encore les choses un peu à l'ancienne, etc. Justement... Ça, c'est deux mondes qui vous parlent, en fait. Mais bien sûr, la cuisine, on peut dire que c'est un peu militaire. Il y a une certaine hiérarchie, il y a des codes aussi, il y a une façon de parler. Pour que... le fait qu'on attende un oui chef, c'est pas pour se faire plaisir, c'est juste pour savoir si l'information a été bien comprise de tous. C'est un peu comme les militaires, quand ils balancent une info, si elle n'est pas entendue par les autres, eux, ils jouent leur vie, pas nous. Donc, c'est très différent, mais il y a quand même... Ils jouent celle des autres aussi, quand même. Aussi, ouais, mais... Pas vous, pas vous. Pas moi. Voilà. Mais il y a quand même pas mal de similitudes. Et puis la notion de terroir et de produit, bien sûr, nous en tant que chef, on est directement intéressés par ça. Donc, vous avez compris, il faut dire oui chef le matin. Quand je dis on choisit les sujets, oui chef. Hein, on choisit un son, un oui souffle aussi. Hein. C'est juste pour savoir si l'info était bien comprise. Et si il dit oui nous fait pas chier, ça va ou pas ? Ça passe ? D'accord. Bon, je veux dire ça. Il y a eu un message. Voilà, on a compris. Il y a eu un message. Alors ces képis blancs qui doivent s'installer dans l'Arzac, eh bien ils ont passé 49 ans à Djibouti. Ils ont ensuite été stationnés aux Émirats Arabes Unis à partir de 2011 et en 2016 ils arrivent dans l'Arzac. Ça va faire. Ah ça va les changer. Ça va faire tout drôle. C'est pour eux que ça va être pénible. Non. C'est de l'aménagement, du territoire, parce que tu prends des symboles forts pour renverser des symboles forts. C'est aussi très intelligent d'un point de vue politique. Mm-hmm. Tu vois, parce qu'ils ont un vrai capital sympathie. Les légionnaires particulièrement. Quand même. Alors, les habitants du Larzac soupçonnent que ce soit un peu aussi pour étouffer la contestation. Ben, voilà. Il faut dire que les autres combats se sont un peu reportés sur Notre-Dame-des-Landes, Sivins, etc. Et que donc l'antimilitarisme et le combat dans le Larzac faiblit un petit peu, paraît-il, mais c'est d'après le Figaro.fr. Donc prenons un peu de distance. Voilà. Juliette Arnaud. Oui. Vous savez, c'est votre moment, c'est votre instant. Prenez-le. Ça y est, je l'ai. Alors, je m'adresse particulièrement aux gars de Cauchemar en cuisine. Voici, monsieur Etchebest, 286 grammes de rêve. Oui, vous pesez les ingrédients, je pèse les livres, c'est ma passion. Alors, le titre. Alice sous la terre, l'auteur Lewis Carroll. Non, Alex, je ne suis pas ivre, c'est bien Alice sous la terre et pas Alice au pays des merveilles que j'ai entre les mains et dont je vais tâcher de vous entretenir. Raison numéro 1, de galoper, admirer ce livre, mais la beauté de cette couverture. Franchement, c'est sublime. Alors bien sûr, on est à la radio. Ouais, je vais être précise. La couleur de la couverture, c'est couleur cuisse de nymphe émue. C'est-à-dire qu'elle est rose, rose pâle, un peu éteint. On appelle ça cuisse de nymphe émue. Oui, Alex, je me doute que ça vous parle comme teinte. Il a confirmé. J'imagine. Alice sous la terre, c'est la version originelle d'Alice au pays des merveilles. C'est celle qu'un timide professeur, à l'époque Lewis Carroll donc, en 1864, offrit à une des enfants du doyen de la fac où il enseignait, une petite fille nommée Alice. Et la première version qu'il lui a offert comme ça, comme cadeau, parce qu'il aimait bien ce petit enfant, c'était une version qui était retranscrite à la main. Bon, là, elle est retranscrite de la même manière, mais en français, comme l'original, donc. Et alors, ce qu'il y a de magnifique, c'est que ce sont les dessins même de Lewis Carroll. Parce qu'après, quand il l'a fait éditer comme un vrai livre, il a pris un illustrateur qui jugeait plus à même, plus doué que lui, qui s'appelle John Tenniel. Là, ce sont tous les dessins de Lewis Carroll. Et c'est important, les dessins, parce que comme le dit Alice au début du livre, à quoi peut bien servir un livre sans images ni dialogue ? Raison numéro 2 de relire Alice. On sait depuis Bettelheim et sa psychanalyse des contes de fées que les contes de fées, eh ben, ils aident les enfants à se préparer au monde, à ses duretés, que chaque image symbolique fait son petit chemin dans la tronche de chaque petit enfant. Alors moi aussi, je vais faire mon petit Bettelheim de poche, hein, puisqu'il ne s'est pas occupé d'Alice au pays des merveilles. J'espère que mon psy n'écoute pas. Dans le cas contraire, docteur Maboul, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Non, Charlie, il ne s'appelle pas vraiment docteur Maboul. Oui, Guillaume, j'ai changé son nom pour préserver son anonymat et le mien. Alice sous la terre, selon moi, c'est l'histoire d'une petite fille qui a le seum, comme diraient les ados de 2015. Le cafard pour les autres. Sinon, pourquoi suivre sous la terre un lapin blanc aux yeux roses pourvu d'une montre à gousset par une belle journée d'été telle que celle est racontée Stevie Wonder. Pourquoi elle a le seum, Alice ? Attention, analyse de Dr Maboul Junior. Selon moi, Alice, elle a le seum parce qu'elle grandit, qu'elle pressent que l'âge adulte va venir, qu'elle le sent venir en elle, que le temps des merveilles, des animaux qui parlent, des reines de cœur qui sont des cartes à jouer fanatiques de condamnation à mort, des griffons, va fiche le camp. Alice, c'est une petite fille qui fait sous la terre des trucs typiques de toute adolescence. Alice, elle boit des bouteilles où il y a écrit « bois-moi ». Elle mange des trucs où il y a écrit « mange-moi ». Et suite à ses ingestions, elle passe son temps à être soit trop grande, soit trop petite. Ça vous parle, Guillaume ? Autre truc typiquement ado, Alice, elle est d'une franchise absolue face à des êtres qui sont tous également épouvantablement susceptibles. Alice suit des inconnus, hein, parce qu'elle est très curieuse. Alice, elle pleure tellement qu'elle manque de se noyer dans ses propres larmes. Alice se parle à elle-même, puisque personne ne semble la comprendre. Bref, c'est instructif, c'est joli, c'est poétique, c'est étrange et c'est drôle. Et maintenant, je vais vous quitter, parce que comme disait Blaise Cendrars, quand tu aimes, il faut partir, en vous lisant les dernières phrases. Vous l'avez déjà utilisé dans un couple, ça. Tellement souvent. Hashtag annule tout, venez témoigner. En général, c'est à 3h15 du matin. Alors, les dernières phrases d'Alice sous la terre. Alors, Alice pensa que cette même petite Alice, dans l'avenir, deviendrait une femme adulte et qu'elle garderait, au fil de ses années de maturité, son cœur d'enfant, simple et aimant. Elle la vit, entourée d'autres petits-enfants, faire briller leurs yeux par tant de merveilleuses histoires, peut-être même précisément ces aventures de la petite Alice d'autrefois, partageant leurs chagrins et leurs joies simples, se souvenant de sa propre enfance et des claires et heureuses journées d'été. Voilà. Juliette Arnaud, merci. Est-ce qu'on peut avoir l'éditeur ? Parce que c'est une édition de bon œil particulière. Elle est très belle et je ne connaissais pas cette maison d'édition qui s'appelle les Maisons Franck. Et ça coûte une blinde ou pas ? Non, ça ne coûte pas une blinde. Ah. C'est pas donné non plus, mais franchement, c'est un super joli cadeau à faire à une petite fille. C'est un très bel objet. Il y a une petite Alice en vous, Philippe Etchebest ? Oh, certainement. Certainement. C'est quoi votre part de féminité ? Parce que la question est bonne. Oui, mais on dit souvent que ma cuisine est délicate et féminine. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit d'une cuisine qu'elle est féminine ? Je me suis toujours posé la question. Ben, je sais pas, peut-être épurée, la vaisselle simple, est bien faite, jolie, je sais pas, mais c'est souvent revenu. Mais autant la goûter. Alors, d'ailleurs, on peut goûter votre cuisine. C'est à Bordeaux. Vous avez ouvert récemment. Au quatrième mur. Ah, et le quatrième mur. Dans l'enceinte du Grand Théâtre, effectivement, place de la Comédie. Et voilà. Mais on est invité ou pas ? Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt ici. Il faudra faire la queue. D'accord. On va faire la queue. Ah, ça marche votre reste au temps. Non, mais je rêve. Non, mais ça va. Vous avez une go à vendre aussi. Qu'est-ce qu'on fait là ? Bon, alors. Troisième sujet. Le cinéma français qui prend le vin pour sujet participe à une vision, bouchonnée de la France. Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille ? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Ah oui. Ah oui. Oui, les bronzés font du ski, évidemment. Alors, il y a un film qui s'appelle Premier cru, qui est sorti le 23 septembre avec Gérard Lanvin, où il est question d'une exploitation qui doit son seul salut en passant par un retour à des méthodes traditionnelles, des chevaux pour labourer les vignes, des amphores pour vinifier les raisins. Et il y a une petite tribune dans Libération aujourd'hui où une géographe d'ailleurs explique, finalement, c'est une vision, alors bouchonner le terme est de moi, mais bouchonner du réel, c'est-à-dire une vision un peu passéiste, oui voilà, une vision qui sent un peu le renfermé. Est-ce que vous avez, je sais pas si vous avez vu récemment des films qui avaient le vin pour... Non, franchement, pour, non. Maintenant, la méthode de travail avec les chevaux, encore, ça existe. Enfin, ouais. En tout cas, il y en a qui sont revenus justement sur cette méthode de travail. Pas qu'au cinéma, alors. Oui, pas qu'au cinéma, non. Mais j'en ai connu, j'en ai rencontré à Saint-Émilion, notamment. Et c'est très intéressant. Alors, c'est vrai que ça va un peu moins vite, forcément. Mais ça reste très intéressant. Et pour la qualité du vin, apparemment, c'est quand même un peu mieux. Et l'iconographie du vin, en général, fait old school. Par exemple, sur les étiquettes, quand certains vignobles tentent des étiquettes qui ont l'air plus contemporaines, mais on a plus de doutes devant la bouteille, alors que les vieilles bouteilles qui ressemblent à des bouteilles d'il y a sans doute 100 ans. Je pense que c'est des repères, hein. C'est juste dans je sais pas, ça fait partie des critères peut-être de sélection. Ça rassure aussi certainement. Mm-hmm. Alors c'est pas l'étiquette qu'on boit. Hein, en plus, mais justement, il y a souvent des gens qui s'en réfèrent à l'étiquette. Donc, on peut le dire, c'est pas l'étiquette qu'on boit, mais quand même, Moi, je m'en réfère aux médailles. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Quand il y a marqué médaille d'or. Quand il y a une promo à Carrefour, est-ce que ça vaut? S'il y a des médailles, c'est quand même, elles ont été décernées à un moment donné sur un concours, donc c'est vrai, donc ça peut être une référence aussi. Hein. Alors, je peux vous renvoyer à cette tribune dans Libération d'une doctorante en géographie qui explique par exemple que dans le cinéma américain, prenons Mondovino, eh bien, les territoires de l'imaginaire viticole sont inédits, nomades, iconoclastes, reflet d'une mutation d'un monde aujourd'hui en effervescence. Et elle explique, c'est intéressant, l'article. Que le parangon du paysage à la française, c'est le paysage ordonné, figé, rassurant, celui des sociétés vigneronnes qui apparaissent dans le cinéma français comme des remparts. Oh. Voilà. C'est beau, c'est beau d'être réac. Alex Vizorek, c'est le moment du sketch avec notre invité, Philippe Etchebest. Etchebest, est-ce que vous acceptez un rôle? Et jouez-le bien parce que c'est pas n'importe quel rôle. Donc on a entendu évidemment parler de Xavier Brozotta, le DRH d'Air France, qui s'est retrouvé nu. Alors on s'est dit, est-ce que c'est peut-être une bonne méthode maintenant pour le dialogue social? Et comme ici nous avons un patron qui est plutôt beau gosse dans la maison, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de négocier? Vous voyez, écoutez le sketch. Ah, je comprends pas pourquoi les plans sociaux ça te met dans cet état, Charline. Mais c'est vrai, y a pas de quoi se réjouir. Non mais vous plaisantez, mais t'as déjà vu les réunions syndicales avec Mathieu Gallet? Ah bah oui. Ah, voilà. T'as beau, Philippe. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, vous n'êtes pas sans savoir que notre maison est dans une phase de transition. Oh la vache, t'as raison, il est beau gosse, hein. Non, attends, et là, il a encore viré personne. Regarde, il va annoncer que les heures supplémentaires seront pas payées. Oh my god, mais Matt, comme il tombe la veste, là. C'est moi, où il fait chaud. Je n'ai jamais été aussi heureuse de travailler pour rien, moi. Nous devons nous adapter au grand changement d'une société qui bouge. Je dois avouer que ce qu'il nous montre, là, ça n'a pas de prix. Attends, il déboutonne sa chemise. Oh la vache, ça sent la compression du personnel. Là, ce torse. C'est pourquoi 300 postes devront être supprimés à l'horizon 2016. Ah ouais, 300 quand même. Hein. Okay. C'est pas 300, mais si je vois les abdos. Hein. C'est vrai, on dirait des carreaux de salle de bain. Oh non, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui sait évoluer. Et évoluer, c'est aussi prendre des risques. Oh oui, prenons des risques. S'il enlève les bas, moi je sors. Par conséquent, je me vois dans l'obligation de baisser les salaires. Oh, ça y est, il l'a baissé. Oh là là, mais il y a l'air d'avoir du monde au guichet. Oh là là, on dirait des migrants à la frontière de la Hongrie, dis donc. Croyez bien que ça n'était pas facile pour moi, mais cette médiation, je voulais vous signifier que je n'avais rien à cacher. Ah, ça. On peut dire ce qu'on veut sur les patrons, mais il en faut quand même dans le pantalon pour faire ce qu'ils font. Bah écoutez, si Mathieu Gallet nous laisse sa place, venez la prendre, Philippe Etchebest. Philippe Etchebest, je me disais, vous qui êtes très sportif, vous avez encore besoin de faire du sport après avoir travaillé en cuisine? C'est vital. Parce que c'est tellement physique. Ouais, c'est vital, ça fait partie de mon équilibre et j'ai besoin justement de me vider et de ça me permet de penser aussi à autre chose, alors que ce soit à travers le sport, mais aussi à travers la musique ou d'autres choses, d'autres activités. Ouais, c'est juste me vider la tête et penser à autre chose. Ça me permet de mieux repartir après. Alors, pour vous vider la tête, vous pouvez aussi vous détendre devant Cauchemar en cuisine. C'est ce soir sur M6 à 20h55. Je rappelle votre livre où vous racontez votre parcours et vous donnez vos conseils. Philippe Etchebest, c'est Je ne lâche rien, édité chez Michel Lafon. Et puis, vous serez aussi dans Objectif Top Chef. Hein, c'est à partir du 26 octobre. C'est ça. Émission, vous êtes jury aussi dans Top Chef. Vous faites plein de trucs. On va vous croiser. Merci aussi à la brigade. Alors, évidemment, autour de cette table, Alex Vizor avec Juliette Arnaud, Samir Bouadi, Guillaume Meurice. Et puis, il y a aussi Benjamin Riquet à la réalisation, Jean-Philippe Jeanne à la technique, une équipe, une brigade solide. C'est parce que vous êtes là. Nathalie Romero, Claire-Sophie Collet avec la collaboration de Mathilde Verfaillie. Merci à tous. Et on se retrouve demain avec Pierre Bonte et le mot de la fin au dialogue social à Air France. Le négociateur entre en zone dangereuse. Vous devez l'empêcher d'y aller. Nos hommes n'oseront pas intervenir s'il est à l'intérieur.